Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 41. De la tentation du Christ. Pourquoi le Christ devait être tenté? Du lieu de la tentation, du temps, du mode et de l'ordre. 1. Convenait-il que le Christ fût tenté? Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour y être tenté par le démon. Matthieu 4, 1. Vaincre d'avance nos tentations, en nous méritant la force de les surmonter, nous inspirer la prudence, pour qu'après notre baptême notre âme soit toujours prête à résister au démon, nous donner l'exemple de la résistance aux tentations. Nous inspirer la confiance en la divine miséricorde, tels sont les motifs qui portèrent notre divin sauveur à se laisser tenter par le démon. Il voulait que, selon l'expression de saint Paul, nous eussions en lui un pontife qui sût compatir à nos infirmités, ayant été lui-même tenté en toutes choses, comme nous, moins le péché. Manifestement, il était convenable qu'il fût tenté. Note. Les démons ne l'ont connu qu'autant qu'il l'a voulu, il n'était pas certain de sa divinité. Il n'y a pas à s'étonner qu'il ait permis au diable de le transporter sur une haute montagne. Plus tard, il donna aux agents de l'enfer le pouvoir de l'attacher à la croix. Fin de la note. 2. Le Christ devait-il être tenté dans le désert? Jésus resta 40 jours et 40 nuits dans le désert, dit saint Marc 1, 13, et il y était tenté par Satan. Il s'est présenté lui-même au tentateur, comme il s'est offert volontairement aux agents de l'enfer pour être crucifié. N'ignorant pas que l'homme qui est seul est plus exposé à être attaqué et plus facilement vaincu, il se transporta dans le désert comme sur un champ de bataille. C'est à dessein, dit saint Ambroise, qu'il alla au désert provoquer le démon. S'il n'avait pas été tenté, il n'aurait pas vaincu pour moi. Note. On pensera peut-être qu'il s'est exposé à la tentation en allant dans le désert. Il y a deux occasions de la tentation, l'une vient de l'homme, l'autre du démon. Se tenir en quelque sorte aux environs du péché, voilà celle qu'il faut éviter, selon cette parole, ne restez pas dans le voisinage de Sodome. Genèse 19, 17. L'autre occasion vient uniquement du démon, qui, ennemi de tout bien, porte envie à ceux qui veulent s'élever à la perfection. Celle-ci, on ne doit pas la craindre. Les actions qu'il a fournissent au malin esprit, loin d'être dangereuses, sont inspirées par l'Esprit Saint. L'envie du démon n'y trouve que secondairement l'occasion de nous attaquer. Fin de la note. 3. La tentation du Christ a-t-elle dû avoir lieu après son jeûne? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, dit l'Évangile, il eut faim, et alors le tentateur s'approcha de lui. Matthieu 4, 2. Il convenait que le Christ fût tenté après son jeûne. Il nous donnait par là un exemple et un enseignement, un exemple, en nous montrant dans le jeûne une arme contre les traits de l'ennemi, un enseignement, en nous apprenant que ceux qui se livrent aux bonnes actions ne sont pas exemptes des attaques du démon. Note. Il enseignait aux prédicateurs qu'ils doivent se purifier et se perfectionner dans la vertu, conformément à ce mot, Jésus commença à faire, puis il enseigna, Actes des Apôtres 1, 1. Il nous montrait que nul ne doit entrer dans le ministère de la prédication sans avoir dompté sa chair, comme le marque cette parole de l'apôtre, je châtie mon corps et le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché les autres, je ne sois moi-même réprouvé. 1 Corinthiens 9, 27. 4. L'ordre et le mode de la tentation du Christ ont-ils été convenables? Le diable ne propose pas tout d'abord à un homme vertueux les plus grands péchés, il débute par les plus légers, pour venir ensuite aux plus graves. Ainsi il dit à Adam, « Pourquoi Dieu vous a-t-il prescrit de ne pas manger de tous les fruits du paradis ? Simple attrait d'un fruit défendu. Vos yeux seront ouverts, vaine gloire. Vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal, orgueil. » Il suivit le même ordre dans la tentation du Christ. Il proposa d'abord une chose que les hommes les plus avancés dans la spiritualité ne laissent pas de désirer, la nourriture nécessaire à la vie. Passant ensuite à une autre séduction dont les hommes spirituels ne se défendent pas toujours, il engagea le Seigneur à agir par ostentation et par vaine gloire. Enfin il recourt à un dernier moyen qui ne saurait avoir de prise que sur les hommes charnels, au désir des richesses et de la gloire mondaine, poussé jusqu'au mépris de Dieu. Le Christ repoussa toutes ces tentations par les paroles de la loi et non par la manifestation de sa puissance divine, afin que, faisant subir à l'ennemi du genre humain une défaite qui semblait venir de l'homme, il lui infligea un plus cruel châtiment. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.